Chapitre 11. Telle est la série des émotions par lesquelles j'ai passé pendant cette journée mémorable. J'avais peut-être tué une caille, peut-être tué un perdreau, peut-être blessé un paysan, mais très certainement, j'avais criblé un chapeau de gendarme. Pris son permis, un procès-verbal avait été dressé contre moi, sous le nom d'un autre. J'avais trompé l'autorité. Que peut-il arriver de plus à un apprenti chasseur pour son début dans la carrière des Anderson et des Pertuisset? Il va sans dire que mon ami le pianiste dut être fort désagréablement surpris quand il reçut une assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Doullens. J'ai su depuis qu'il ne lui avait pas été possible de prouver un alibi. En conséquence, il avait été condamné à 16 francs d'amende, plus les frais, ce montant à pareille somme. Je me hâte d'ajouter que quelque temps après, il reçut par la poste, sous la rubrique « Restitution », un mandat de 32 francs qui l'indemnisait de ses débours. Il n'a jamais su de qui cela venait, mais la tâche correctionnelle ne l'a pas moins marqué au front et il a un casier judiciaire.